بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ونواصل في قراءة فضل رب البرية بشرح الدرر البهية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivra jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans la lecture du livre Fadlu Rabbil Bariyah, qui est l'explication du livre Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahmatullah alayhi. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre Sifatu Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam tammatan. Sifa, c'est-à-dire la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est une obligation sur tout musulman de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié, afin de pouvoir prier comme lui. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit dans sa parole, il dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Il dit « Priez comme vous m'avez vu prier. » Alors nous, on ne l'a pas vu, mais les compagnons l'ont vu. Et les compagnons nous ont relaté comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Car le jour où il a dit cette parole, il a prié sur le mimbar. Et tous les compagnons le regardaient. Et lorsqu'il a fini de prier, il a dit aux compagnons, Sallu kamara aitumuni usalli. Il dit priez comme vous m'avez vu prier. Ce qui veut dire que c'est une obligation de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et certains savants ont unifié des livres pour expliquer la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le Cheikh Mohamed bin Saleh al-Husseymin, ainsi que le Cheikh Albani, Mohamed bin Nasr al-Din al-Albani. Alors tout cela, ils ont écrit des livres, et les autres savants, dans les kutub du fiqh, alors ils font un chapitre spécial dont ils nomment Sifatu Salati Nabi. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, la description de sa prière. Alors la semaine passée, nous avons vu un peu jusqu'à Ruku. Alors, qui va se lever et va nous retracer du takbir jusqu'au ruku, Naam, Al-Hassan. Naam. Awalan, il faut d'abord se diriger vers la Qibla. Mais c'est toi-même qui te diriges, ou tu diriges tout ton corps. Tout le corps. Tout le corps, même les pieds. Regardez ses pieds. Vous savez pas, il faut reculer. Naam, regardez ses pieds. Ses pieds sont en direction de la Qibla. Mais s'il... Allez, fais tes pieds comme ça. De cette manière. Est-ce que c'est en direction de la Qibla? Là. Mais certaines personnes font cette erreur. Et cette erreur, c'est le fait de mettre les pieds à l'opposé. C'est-à-dire, c'est pas en direction de la Qibla, mais le pied droit va carrément, les orteils, il met carrément à droite, et les orteils du pied gauche, il met carrément à gauche. Donc le fait de faire ainsi, ma sotta sunna, tu n'as pas fait ce qu'est la sunna. Et deuxièmement, yatarattabu alayhi fasad as-saf. Et en résulte de cela, le fait que le rang ne sera pas droit. Bimana ne sera pas mutarassi, coulé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. N'est-ce pas? Il disait « Sofu sufu fakum »« Watara su »« Watara su » Bimana « couler » Ça va « Al mankid » Couler d'abord les épaules « Wal ka'ab » Ainsi que la cheville. La cheville c'est où? La cheville c'est où? C'est là, nam. Donc c'est là on doit coller, pas les orteils. Mais les gens font beaucoup cette erreur. Il peut arriver que deux personnes s'arrêtent. Le premier, il est court de taille, il a des petits pieds. Le deuxième, il est grand de taille, il a des longs pieds. Si nous mesurons avec les orteils, nous allons voir que celui qui a des longs pieds sera un peu en arrière, et celui qui a des petits pieds sera un peu devant. Si on colle les bouts d'orteils. Mais si on colle les deux chevilles, les deux seront au même niveau, même si le pied, même si l'orteil d'un va dépasser l'autre. Le maqsoud, c'est pas l'orteil. Le maqsoud, c'est que vous soyez au même niveau et vous collez les chevilles. Et c'est que le maqsoud. Naam. Après maintenant, on fait takbiratu al-ihram. Après la direction vers la Qibla, on fait takbiratu. Non. 132. On fait takbiratu al-ihram. Le takbiratu al-ihram, on a montré combien de sifa. Il y a deux manières. Toyib. Au niveau des épaules. On joint les doigts ou bien on sépare. On sépare légèrement. On ne joint pas les doigts. On sépare légèrement. Ça va? On ne joint pas les doigts. Toyib. Jusqu'au niveau des épaules. Et les deux paumes doivent faire face à la Qibla. C'est-à-dire l'intérieur des deux paumes doit faire face à la Qibla. On fait pas comme ça, comme si on était en train de couper quelque chose, ou bien on était en train de se protéger lors de la guerre. Ça va? On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça aussi. Mais on fait comme ça, avec l'intérieur des deux paumes, ça va, qui font face à la Qibla. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est au niveau des oreilles. Approche ta main vers les oreilles. Approche. Naam. Au niveau des oreilles. Ça va? Furo al-uzunay. Donc ensuite, maintenant, lorsque tu finis, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas coulé. Mais c'est mufarrij. Il y a c'est pas trop mon farik, c'est pas trop comme ça, ni c'est pas collé, mais tu fais ta frige comme ça, yassir, ça va, voyez. Maintenant ensuite, quand tu finis, tu descends la main directement avant d'attraper, ou bien en même temps que tu fais l'ihram, tu viens, tu déposes la main ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est en même temps. Mais on voit l'erreur de certaines personnes. Quand il lance Takbirat al-Ihram, il descend la main, et puis il revient encore, il fait le qabd. C'est au moment où tu quittes dans Takbirat al-Ihram que tu viens directement faire le qabd. Ça va? Tu fais le qabd. Maintenant, le qabd, quelle est la sifa du qabd? Comment il doit attraper sa main? La main gauche, quelle partie? Non. La première sifa, c'est quoi? Tu déposes l'extérieur, la paume droite, c'est l'extérieur de la main, de la paume gauche, sur la poitrine. Ça, c'est la première sifa. La deuxième sifa, tu prends la main, tu attrapes le sa'id. C'est ce qu'on appelle as-sa'id. Ça va? Le bras gauche, tu attrapes. Ça va? La troisième sifa, la troisième manière de le faire, tu attrapes le coude. Ça va? Tu attrapes le coude. Non. Et ensuite, tu fais quoi? Quand tu finis d'attraper? La doigt de lecture d'ouverture, qu'on appelle comment? Atawadjou. Ça va? La doigt d'ouverture. Non, tu n'es pas obligé de faire la doigt. Il y a plusieurs doigts. Hein? Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib jusqu'à la fin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ya aussi, Allahu akbar kabira wa subhanallahi yasira. Non, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi yasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu fais aussi cette invocation. Il y a plusieurs invocations qu'on a vues ici lorsqu'on doit le dire. Et ces invocations, on le fait pas tout. Souvent on fait ceci, souvent on fait l'autre. Non. Ensuite, on fait istiaza. On fait istiaza. Lorsqu'on finit, doigt de l'ouverture, on demande la protection. Et la istiaza, il y a plusieurs formules qui sont venues. N'importe quelle formule tu utilises, parmi les formules que tu connais, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Min hamdihi wa nafrihi wa nafasi. Ça aussi c'est venu. Ala kulli hal, Ayuma Ikhtarta. Quel que soit ce que tu choisis, parmi les invocations qui sont venues, Yassir, Alhamdulillah. Parmi les Isti'aza, Afwan. Donc, la Isti'aza, c'est pour qui? C'est pour celui qui lit. Cela veut dire que celui qui prie derrière l'imam, dans la prière à lecture à haute voix, la Isti'aza n'est pas pour lui. Parce que lui ne récite pas, lui l'écoute, l'imam. Ça va? La istiaza, c'est pour celui, d'abord, awala l'imam qui va réciter, ou bien dans une prière à voix basse, où tout le monde doit réciter, il récite à l'istiaza. Ça va? Parce que Allah dit de façon précise, fa idha qara'ta al-Qur'an, naam, fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Lorsque tu lis le Coran, c'est pour la lecture du Coran. Ça va? Toyib. Ensuite, tu fais quoi? Ensuite, tu récites la Fatiha. Naam. Et après la Fatiha, tu dis quoi? Après la Fatiha. Amin. Tu dis Amin. Le premier A est tiré. Ça va? Amada. Tu tires. Et bien, min. Amin. Là. On dit pas Amin. On voit beaucoup de personnes faire cela. J'allais dire même Amin. Là. Amin Haza. Amin, ça veut dire, c'est ismu fi'l. Manahu Allahumma stajib. Allah accepte. Mais s'il dit Amin, est-ce que c'est ça? Hein? Tu n'as pas demandé à Allah d'accepter. Taïeb, fais-le de la manière qui se doit. Tu tires le premier A. Amin. Ça va? Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Après le Amin, tu récites Ma Tayassara min al-Qur'an. Tu récites maintenant ce qui t'est facile du Qur'an. Mais est-ce que la récitation d'une sourate après la Fatiha, c'est, ça a quel caractère? Obligatoire, sunna ou bien rukn? Non? C'est une sunna. C'est une sunna. Donc ce n'est pas une obligation. C'est compris? C'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Donc, après cela maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il va en ruku comment? Il descend directement? Non. Il soulève la main, il fait le takbir, intiqal. Takbiratu intiqal. Le takbira pour changer de position. Donc, il descend maintenant en ruku. Voyez, c'est là où on s'est arrêté. Il descend en ruku. C'est là où on s'est arrêté, je pense. Hein? En ruku. Non. Ensuite, Wayarka reste debout. Tu t'es porté garant. Tu auras les mérites. Wayarka mukaddiran. Il fait maintenant ruku en lançant le, on dit l'attaque-ville, le takbir, c'est pas un mot français. Ça va? Il lance maintenant takbir, et puis il descend. Lance le takbir et descend. Descend. Tayyib. Dans cette sifa, on va vous dire ce qui doit être fait. Donc, yabda biha mal bad'i bil haraka. Il commence le takbira avec le mouvement en même temps. Ça va? Reviens. Lance le takbira avec le mouvement. Naam. Tu lances ensemble. C'est ce qui est avec le mouvement. Ça va? Maintenant, c'est permis de lancer la takbira avant le mouvement et faire la takbira après le mouvement. Ça va? Dans la bouche, bien sûr. Ça va? Mais dans l'action, ça doit être avec le mouvement. L'action, le fait de lever la main, c'est avec le mouvement. Ça va? Par exemple, je vous donne l'exemple. Avant, j'ai dit Allahu Akbar de ma bouche, bien avant de faire le mouvement, et puis j'ai dit ça. Ça, c'est avant. Ça va? Je peux aussi lancer comme ça, je n'ai pas dit de ma bouche. Au moment où je suis en train de descendre, je dis Allahu Akbar. Vous comprenez? Salas halat. Trois situations. Kullu zalika sahha 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout est authentique. Ça va? Tayyib. Donc, le troisième c'est en même temps. Oui. Aller en même temps. Ça va? Essaye de faire cela. Avant. Lance le takbira dans ta bouche avant. Soulève maintenant la main et descend. Ça, c'est avant. Reviens. Maintenant, lance takbira sans rien dire. Et descend. Au moment de descendre, maintenant, tu dis avec la bouche. Ça, c'est après. Maintenant, faut faire au même moment. Non. Vous avez compris? Donc, kullu hadha yasih. Tout ça est authentique. Ensuite, wala yalzamu an yastamirra biha ila an yantahi min al-haraka. C'est pas exigé qu'il continue avec la takbira jusqu'à ce qu'il finisse le mouvement. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres personnes, subhanallah, quand ils prient derrière eux, toi-même tu es fatigué. Allahu. Il est en train de descendre. Faut qu'il arrive là où il doit arriver. Dès qu'il arrive là, il a dit Akibaru. Il est déjà arrivé. Ah ça. Non. Que vous enseignez ça? Votre ancien sage. Non. Quand il s'est arrêté, il dit Allah, jusqu'à il arrive au sujoud, Subhanallah. Quand il va en recours, il quitte son recours, avec Allah, Akbar, le tout, mais là, il se dit. Bon, d'accord. C'est trois situations que nous avons dit là. Tu dis même avant de lancer ta takbira. Ça veut dire qu'avant de lancer avec la main, tu as dit, et puis tu descends. Alors, sur la somme, il a fait cela. Non. Non. Ici, on ne suit pas l'imam selon le takbir qui est prononcé. Ça, c'est très important. On suit l'imam dans le mouvement. Non, non, pas dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire quand il dit Allah, toi tu descends en même temps. Et s'il a dit avant de faire le mouvement. C'est très important. On suit le haraka, le mouvement de l'imam. C'est-à-dire quand l'imam fait le mouvement, c'est là nous on fait le mouvement. Pas ce qu'il a dit. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Ça va? Parce que c'est ce qui fait aussi que certains imams, s'ils n'ont pas fini de descendre, ils disent pas Allahu Akbar. Parce qu'ils se disent que il y a des gens qui vont les dévancer. Mais on doit enseigner cela aux gens. On suit la haraka de l'imam, pas ce qui sort de sa bouche. Ça va? Il peut dire avant de faire la haraka, Hadha yajuz, ça c'est permis. Ça va? On suit le mouvement. إنما جعل الإمام ليتم به ليتم به في ماذا في حركات هذه حركات صلاة donc celui qui est derrière doit regarder le mouvement de ceux qui sont devant lui. Si eux sont descendus, il descend. Ça va? طيب. Maintenant le cheikh Mohamed bin Salih Al-Utsaimin رقص في واحد. Il dit si ce sont les gens qui ne voient pas l'imam à cause du mur qui sont entre eux, alors ceux-là peuvent suivre la prononciation de l'imam. Mais hadha jaa fi azminat al-mutaakhir. Même la barrière, le mur que les gens mettent entre les femmes et les hommes dans une mosquée, hadha laysa min as-sunnah. Ce n'est pas une sunnah. في أهل النبي صلى الله عليه وسلم على époque du prophète صلى الله عليه وسلم il y avait pas de barrière. Les femmes étaient derrière, les hommes étaient devant. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas de barrière. Les femmes voyaient les hommes. Hein? Malgré que il y avait certains hommes qui avaient des vêtements un peu déchiré, soulevé. Hein? Vous l'avez pas sorti. Je vais te chasser. Donc, malgré qu'ils avaient des vêtements qui étaient un peu déchirés et aussi qui n'étaient pas dans les normes. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour pouvoir pallier à ce problème? Est-ce qu'il a construit un mur? Pourtant, il avait la facilité de construire un mur. Il a dit aux femmes de ne pas lever la tête avant les hommes. Et ça, c'est une dorura. S'il devait le faire, il allait le faire pour mettre un mur. N'est-ce pas? Voilà, la Bouddha Natana Bala. La sunna, c'est de ne pas mettre de barrière. Voilà pourquoi la hikmah de dire que le meilleur des rangs pour l'homme, c'est le premier rang, et le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier rang, pour que les deux groupes soient éloignés le plus. Mais s'il y a mur qui les sépare déjà, quelle est la hikmah du meilleur des rangs? Voilà pourquoi tu trouveras certains imams qui disent, s'il y a mur, le meilleur des rangs, c'est le premier rang. Pour les femmes, s'il y a mur, le meilleur des rangs, c'est le premier rang. Ce que le professeur Asram a dit, on se résume à ça. Ma foi, c'est très important, il faut comprendre cela. Ça va? Non. Barakallahu fikum. Donc ensuite, la yalzamu lahu an yastamirra biha ila an yantahi min al haraka. On a déjà vu ça. Wa mahalluha bayna ruknayn. Ça va? Regardez, écoutez bien ce que le cheikh dit. Le mahalou du takbir, c'est entre les deux rukun. C'est pas lorsque tu arrives sur l'autre rukun. C'est-à-dire au moment où tu décolles, dit le takbir, avant même de descendre. C'est entre les deux rukun. Ça va? Ça va? Je parle pas du mouvement de la main. Je parle de ce qui sort de la bouche. Ça va? Son mahal, c'est où ça? C'est entre les deux rukun, c'est-à-dire entre le ruku et puis le sujoud. Ça va? C'est entre les deux rukun. C'est pas quand tu finis, tu arrives là-bas, que tu dois forcément finir ton akbar. Hein? Le cas où on dit, Allah akbar, Rahman et Descend. Là, c'est comme si on dit ça au moment de l'autre rukun. Quoi? Par exemple, il s'est arrêté. Dans ce cas, est-ce qu'il est entre les deux rukun? Si. Il est entre. Quand tu dis Allahu Akbar avant de descendre, c'est-à-dire, tu fais quoi? La main, on ne parle pas de ça, la main, il y a trois positions. Mais, dans tous les cas, c'est quand tu fais le mouvement, tu as décollé, que tu dis de la bouche. Ça va? Que tu dis de la bouche. Mais la main, on sait que lui, il a trois positions, comme on vient de le dire. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ah. En bas de descendre là. Ah. Par exemple, je fais arrêter. Non. Avant de descendre. Non. Tu dis Allahu Akbar avant de descendre. Non, c'est ce que je t'ai dit. Par exemple, si tu soulèves la main comme ça. Donc, au moment où tu soulèves, tu es en train de dire Allahu Akbar, n'est-ce pas? Pendant que tu descends. Tu comprends pas? Ce que tu dis de la bouche n'est pas pareil à ce que tu fais comme mouvement avec la main. Tu comprends un peu? La main, il y a trois halats. Dans les trois halats, quand tu fais d'abord comme ça, et puis tu descends, tu dis Allahu Akbar. N'est-ce pas? Quand tu dis, yani Allahu Akbar, avant de partir, nam. C'est de ça que tu parles. C'est entre les deux rukun. Puisque c'est au début du mouvement, avant d'arriver de l'autre côté, c'est entre les deux rukun. Ça va? Non. Wa kazalika, c'est le même qawlu sami Allahu liman hamda. La parole sami Allahu liman hamda. Sami Allahu liman hamda, c'est quand tu commences à décoller du ruku pour venir, tu commences à dire sami Allahu liman hamda avant d'être bien dressé. Ça va? Ensuite, maintenant, quand tu es bien dressé maintenant, tu reviens avec وَيُكَبِّرُ رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى حَزُ مَنْكِبَيْهِ. Il soulève jusqu'aux épaules, aux fronts, aux zunayn, quand il quitte. Ça va? Il dit سَمِي اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَ. Et avant de venir, il soulève la main. Ça va? Quand il quitte au ruku, je vais dire. C'est-à-dire quitte au ruku. On va faire des exemples pour mieux comprendre. Non, dis Sami Allahu. Au moment où tu veux décoller, tu dis Sami Allahu. Non, lorsque tu es dressé maintenant, tu fais la main. Comme ça. Ça va? Soit au niveau des épaules, soit au niveau des oreilles. Ça va? En ce moment maintenant, lorsque tu es dressé maintenant, Toyib, c'est Ja'ilan ra'sahu mustawiyan ma'a dhahrihi. Il doit mettre sa tête au même point d'égalité que son dos. Ça va? Comme ça. Il descend pas. Il fait pas. Il soulève pas la tête. Ça va? Dans le sens que la yukhfiduhu, il descend pas, il baisse pas la tête. Ça va? Wa la yarfa'uhu, et il lève pas la tête an mustawa dhahri, de du même point d'égalité que son dos. C'est-à-dire sa tête doit rester droit. Pas comme on voit certaines personnes trop chaud, ils descendent la tête comme ça. Hein? Tu vois d'autres personnes aussi, pendant qu'ils sont en train de prier, la tête est en haut. Ça doit être mustawiya zahri, c'est-à-dire son dos, et puis sa tête doit être au même point, c'est-à-dire droit. Ça va? Ensuite, yani ici, non, ici, on n'est pas encore arrivé à la yani au côté du lever. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est le ruku, afwan. C'est ça? Parce qu'on n'est pas encore revenu. D'accord. Ici, lorsqu'il dit Ja ilan ra'sahu, c'est-à-dire il met sa tête, vient au ruku. Non, sami Allah liman hamda, c'était pas sa place ici. Donc voilà pourquoi ça nous a trompé un peu. Ça va? Donc ici, lorsqu'il va en ruku, il met sa tête au même point d'égalité que son dos. Ça va? C'est-à-dire, essaie de faire cela. Ta tête est un peu. Non. Soulève. Non, tout droit. La tête comme ça, tout droit. Voilà. Au même point que son dos. C'est-à-dire la tête ne doit pas être soulevée ni descendue trop. Vous comprenez? Ni descendue trop. Ensuite maintenant, la yakhfaduhu, iné, baisse pas la tête, wala yarfawan mustawa zahri. Il ne soulève pas, il ne baisse pas trop. Comme on voit certaines personnes le faire. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont en repos, tu vois, ils regardent sous les pieds. Souvent même, tu vois, ils peuvent voir même celui qui est derrière. Ça, c'est pas permis. Ça va? Ensuite, wadi'an yadayhi ala rukbatayhi. Il met maintenant ses deux mains, c'est-à-dire ses deux paumes, sur ses deux genoux. Ça va? Wa yub'id yadayhi an janbayhi. Et il éloigne ses deux mains de ses deux côtes. De la manière dont il a fait. Ça va? Où sont les deux côtes? Ici. Les deux côtes ici. Il éloigne ses deux mains des deux côtes. Mais il y a d'autres qui collent. Non, on ne colle pas, on éloigne. Ça va? Wa yatma'innu fi ruku'ihi. Et il reste apaisé dans son ruku. Ça va? Il ne doit pas directement, s'il est parti, se lever. Donc s'il se lève directement, il n'a pas fait. Yani, yatma'innu, il n'a pas fait cela. Est-ce que vous comprenez? Tayyib. Ensuite, il a dit, wa yakulu, et il dit, subhana rabbi al-azim. Il dit, subhana rabbi al-azim. Ça va? Wal afdol, ce qui est mieux, an yukarriruha, qui répète cela, salasan au aksar. Trois fois ou plus. Mais ce qui est obligatoire, c'est une fois. Subhana rabbi al-azim. Obligatoire, c'est une fois. Mais, il peut dire ce qui est mieux à l'afdol et qui dit cela salasan trois fois ou bien plus de trois fois. C'est compris? وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ. Ensuite, lorsqu'il veut quitter maintenant le ruku, il lève sa tête مِنَ الرُّكُوعِ du ruku, أَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا, pour pouvoir se dresser debout. رَافِعًا يَدَيْهِ, en levant ainsi ses deux mains, إِلَى حَزْوِ مَنْكِبَيْهِ, au niveau de ses deux épaules, أَوْ أُزُنَيْهِ, ou bien au niveau de ses deux oreilles. قَائِلًا, en disant maintenant, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدًا, c'est-à-dire, Allah a entendu celui qui l'a loué. وَيَقُولُ حَالَ قِيَامِهِ, maintenant il dit lorsqu'il est debout, carrément, c'est-à-dire il fait le mouvement. Lorsque tu te lèves, سَمِعَ اللَّهُ, maintenant lorsqu'il est bien dressé, il dit quoi? رَبَّنَا نَمْ وَلَكَ الْحَمْدَ. Écoutez bien, il y a trois manières de dire رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ, اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ. Ça va? Ensuite il dit حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. طيب, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ, ça veut dire رَبَّنَا, ô notre Seigneur, لَكَ الْحَمْدَ, à toi la louange. Parce qu'il a dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا, Allah a entendu celui qui l'a loué. Donc quand il finit, il fait maintenant la louange. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ, اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ. Ça va? Ensuite, lorsqu'il finit cela maintenant, il dit حَمْدًا كَثِيرًا, c'est-à-dire beaucoup de louanges, طَيِّبًا, et les bonnes louanges, مُبَارَكًا فِي, et béni. Il fait cela. Naam, hamdan kesiran. Ensuite il dit mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma baynahuma wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du. Il fait cette invocation, il istata'a, s'il a la capacité de le faire. Par exemple, s'il est l'imam, il peut faire l'invocation. S'il n'est pas l'imam, s'il est derrière un imam qui n'a pas le temps, alors il fait ce qu'il a fait et puis il s'élève. Ça va? Mil'ul ardi, c'est-à-dire rempli, le remplissage des cieux et celui de la terre et de celui qui est entre ces deux et de ce qu'il peut, ce qu'il veut, rempli des cieux, alors la louange d'Allah englobe tout cela. Ma foi. Ensuite, yanzilu yadayhi, il descend maintenant ses deux mains. C'est-à-dire, c'est au moment où il fait ça qu'il fait l'invocation. Ça va? Avant de descendre maintenant les deux mains. Maintenant, toi, il dit yanzilu yadayhi, wa la yada'huma ala sadrihi ba'da raf'i min ar-ruku'. Il ne pose pas ses deux mains sur sa poitrine après Rafu mina ruku, lorsqu'il s'élève du ruku. Donc ici c'est le mazhab de Cheikh Ali Ibn Mukhtar Ar-Ramli. Ça va? Qui est quoi? Naam, Ad-Dam Ba'da Ruku. Ça va? Tayyib. Si cette mas'ala, le fait d'attraper la main après ruku, ikhtalaf al-ulama, les savants se sont divergés à ce sujet, sur trois paroles. Al-Qawl al-Awwal, la première parole, c'est que c'est une sunna de poser, tu peux t'asseoir. Hein? Après, si on a besoin de toi encore, tu vas te lever. Hein? Tayyib, la première parole, c'est que c'est une sunna de mettre la main droite sur la main gauche, après le ruku. C'est la parole de certaines Hanafiya, ainsi que de l'imam Al-Haythami, parmi les Shafi'iya. Et cette parole aussi, c'est ce qu'a choisi Ibn Hazm, rahimahullah, ainsi que l'imam Ibn Baz, et Cheikh Usaymin. La preuve de cela, c'est hadith de Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit d'abord, كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ, on ordonnait aux gens, أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ يَدَعُ الْيُمْنَ لَزِرَاءِ الْيُسْرَ فِي الصَّلَةِ, que l'homme attrape sa main dans la prière. Khulasa al-Kalam. C'est-à-dire que l'homme met sa main droite sur la main gauche dans la prière. Ça va? Dans la prière. Donc, à la cour les hal, dans la prière, on sait que il y a une seule position où on attrape la main. Est-ce qu'on attrape la main dans le rukou? Dans le soujoud? Dans l'assise? On attrape où? Le qiyam. Donc, ils disent que si c'est dans le qiyam, sauf s'ils ont, ceux qui disent qu'on n'attrape pas, ils ont une preuve pour montrer que qiyam à bas dans le rukou n'est pas qiyam. Ça va? C'est-à-dire, le fait de s'élever après le rukou, si ce n'est pas dans le qiyam, on est d'accord, on dépose la main. Mais si c'est dans le qiyam, le hadith de Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi montre qu'on ordonnait aux gens d'attraper. Ce hadith vient dans Muwatta de l'imam Malik. Et ce qui nous étonne, c'est que les Maliki disent, l'imam Malik n'attrape pas la main. Ce hadith vient dans son Muwatta. L'imam Malik te boroumne. Notre mazhab de l'imam Malik, te boroumne. On n'attrape pas la main. Hein? C'est un mensonge. L'imam Malik rapporte deux hadiths là-bas. Il a un bab spécial même pour cela. Hein? Premier hadith, c'est ce hadith-là. Le deuxième hadith, c'est fait partie de, yani, du comportement des prophètes, le fait d'attraper la main dans la prière. Il rapporte ce hadith là-bas. Imam Malik. Tayyib, ce hadith aussi est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Tayyib, dans ce hadith, c'est clair. Ça va? Dans ce hadith, c'est clair. Que la position debout, c'est là où on attrape la main. N'est-ce pas? Et le fait de se lever après le rukou, s'arrêter après le rukou, fait partie de la position debout. Ça va? La deuxième preuve, c'est le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, sami'allahu liman hamda, qama hatta naqul, innahu qad awhama. C'est-à-dire, Anas ibn Malik dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté un rukou, il a dit, sami'allahu liman hamda, et il a quitté un rukou. Il s'est arrêté jusqu'à ce que nous, on s'est dit qu'Awhama, il est en train de douter s'il était avant Ruku ou bien après Ruku. Quelle est l'épreuve dans ce hadith? L'épreuve est que, non, il s'est arrêté. Non, il s'est arrêté. Après le Ruku, c'est une station debout. N'est-ce pas? Mais, Anas ibn Malik dit qui s'est arrêté pendant longtemps jusqu'à ce que nous on pensait qu'il doutait s'il était dans la station debout avant Ruku ou bien s'il était dans la station debout après Ruku. Quelle est la preuve? La preuve est que s'il baissait la main là-bas, il allait savoir qu'il était après Ruku. Hein? Voici la deuxième preuve. Tayyib, Awhama, il a eu le waham. Attends, nous on a pensé qu'il a eu le waham. C'est-à-dire, le taradud. Il ne sait plus où il était. Il était avant Ruku, dans station debout, ou bien il était après Ruku. Donc, si après Ruku, il laissait sa main comme ça, il n'allait pas avoir le waham. N'est-ce pas? Donc c'est parce qu'il attrape la main après le coup. Ça va? Voici les preuves. Salian, deuxième. Salisan, afwan. Troisième preuve. Ils disent aussi, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث dans aucun hadith c'est venu du prophète صلى الله عليه وسلم أنه سدل يديه وأرسله qu'il a laissé ses deux mains comme ça. C'est pas venu dans un seul hadith, c'est pas venu. Mais c'est venu dans un hadith qu'il attrapait lorsqu'il était debout. Ou bien, voici la parole des premiers. Ceux qui disent que on attrape après Ruku. Ceux qui disent qu'on n'attrape pas la main après Ruku. Ils disent quoi? La yusannu wadal yade al-yadil yumna al-yusra ba'd al-qiyam min ar-ruku. Ils disent que ce n'est pas une sunna d'attraper la main, c'est-à-dire de mettre la main droite sur la main gauche après Ruku. Et c'est le mazhab de Jumhur. La majorité des savants. Tais-toi. Attends d'abord. C'est le mazhab de la majorité des savants, min al-Hanafiya, wal-Malikiya, wa-Shafiya, et wa-Qawlun inda al-Hanabila. Et c'est une parole chez les Hanabila. Wa-Zalika, cela, li-Annahum lam yarid mutlaqan. C'est pas venu mutlaqan fi shay'i min ahadith sola. Dans aucun parmi les hadiths de la prière que les compagnons ont rapporté, lam yunqal, c'est pas venu aussi d'un seul salaf qu'il a mis la main droite sur la main gauche après Ruku. Vous voyez? Le khilaf est qawi. Le khilaf est qawi. Hatta Sheikh Albani rahimahullah dit, c'est les Ahlul Hijaz. هم الذين يأمرون الناس. Il dit cela à l'Hijaz, c'est-à-dire les gens d'Arabie Saoudite, et pas des Bounbars, des Zémin, que c'est eux qui ordonnent les gens, mais c'est une bida de mettre la main droite sur la main gauche après le coup. Hein? Lorsque cette parole arriva chez Bounbars, rahimahullah, il dit là, أعلم تحت أديم السماء من هو أعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان من شيخ محمد نصر الدين الألباني. Il dit, je ne connais pas sous ce ciel, sous ce ciel, ni sangolo nduguma, mamorolo, mime haditha kalama, katem albani kanga watin. À notre temps, je ne connais pas. Mais il n'a pas quitté si pour lui, hein. Fabakia, il est resté si pour lui. Parce qu'il a sa preuve. Et c'est sa preuve que nous avons mentionnée en avant. Ou bien, M. Albani dit, tous ceux qui sont en train de faire ça, dire qu'on attrape après Ruku, alors ils ont fait l'innovation. Ah, s'ils ont fait l'innovation, ça veut dire s'ils sont restés, s'ils ne sont pas répandus, ils deviennent quoi? Innovateurs. Voilà qui. Hein? C'est une masala. N'est-ce pas? Toyib, la troisième parole, c'est la parole de ceux qui disent Insha'a wada al-yad al-yumna al-yusra ba'da raf'i min al-ruku wa insha'a lam yada. Ne dites pas qu'ils sont des waqifa. Ils disent que s'il veut, il met la main droite sur la main gauche après ruku. S'il veut, il ne met pas. Et c'est le mazhab de l'imam Ahmad. Ce qui est connu même du mazhab de l'imam Ahmad, c'est cette parole-là. C'est-à-dire l'imam Ahmad wa nafsuhu, c'est lui-même qui a dit cette parole. Il dit quoi? Il dit al-amru wasi'. Pourquoi? Parce que quelque chose de précis n'est pas venu. Donc al-amru wasi'. Ça va? Wa zalika li'adami wujudi dalil sarih. Car il n'y a pas une preuve claire qui est venue sur le qabdi ou irsali dans le fait d'attraper ou bien laisser la main bas dans le rafu minaruko. Après le rafu minaruko. Ça va? Et c'est cette parole qui me paraît le plus juste. Al-qabdu ou l'irsal, la mushahata fi zalik. Ça va? Al-qabdu ou l'irsal. Celui qui veut qu'il attrape après ruko, celui qui veut qu'il laisse. Chacun a ses preuves. N'est-ce pas? Taïb. Naam. Zéifa. Tu dis quoi? Faut pas nous retarder. Après? C'est de ça qu'on parle. On n'a pas compris tout ce qu'on a dit. Hein? Ya Bounaï. Hein? Moi, c'est. Mais contenant la citation de. Comme la question. Tayyiban Moubarakal. Hein? Après qu'on ait dit Samuel Lord, on va bien avoir. Non. Bonjour, c'est. Les deux maisons doivent être toujours à cette position. Non, c'est rapidement. C'est-à-dire quand il dit Rabbana laka alhamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Ça va? Voilà, Allahu a'lam. Quelle est la nouvelle? Naam. J'ai une question concernant le ruku. Ah. Il veut savoir, pendant qu'il est comme ça, est-ce que les mains doivent être écartées? Naam. C'est venu dans un hadith. Annahu kana yaqbid, qu'il attrapait. Le cheikh n'a pas mentionné ça, mais les chiouks ont mentionné ça, tel que cheikh Albani l'a mentionné cela. Al-qabdu sahi, attraper le genou. Ça va? Voyez. Ensuite, wayas judu, il fait maintenant le sujoud, mukabbiran, en faisant le takbir. وادعا ركبتيه قبل يديه او يديه قبل ركبتيه الامر واسع. الشيخ علي رملي يديسي انسويت يديسا ان سجود ان سجود يلف لا مين لا صبا يدوت كي فين avec des hadith صبا mais ces hadith là ne sont pas authentiques ou descend dans ce jeu. Non. Il va sans lever la main. Ça va? Il dit le takbir de la bouche. Et puis il descend en sujoud. Maintenant, comment il va descendre? Il descend avec les deux mains. Ou bien il descend avec les deux genoux. C'est-à-dire, il met les deux genoux au sol avant de mettre le front. Ou bien il met les deux mains au sol avant de faire descendre les genoux et le front. C'est-à-dire, il descend comment? Avec les deux genoux ou bien avec les deux mains? Cette masala aussi, c'est une masala khilafiyya. Mais le cheikh Ali Rami dit Al-Amr Wasi. S'il veut, il descend avec les deux mains. S'il veut, il descend avec les deux pieds. Car le cheikh Ali Rami ne voit aucun de ces hadiths authentiques. Il y a deux hadiths, on se sont discutés dessus. On va lire la preuve de ces savants. Ça va? On va lire la preuve de ces savants. Taïb, les savants se sont divergés à ce sujet. Si il faut descendre avec les deux mains ou bien descendre avec les deux genoux. Le mazhab de Abi Hanifa et de l'imam Shafi et de l'imam Ahmad dans une de ses riwayas. L'imam Ahmad il a beaucoup de riwayas. À nous, ils disent que le musalli il devance ses deux genoux avant ses deux mains. Ils ont fait le nasab de cela, c'est-à-dire ils ont affilié cela à l'imam Tirmizi. Enfin, l'imam Tirmizi les a affilié cela et à plusieurs savants. Ça va? Et le hadith sur lequel il se base, c'est le hadith de Wa'il ibn Hujr. Le hadith de Wa'il ibn Hujr, il dit quoi? Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sajada, lorsqu'il fait le sujoud, yada'u rukubatayhi qabla yadayhi. Il déposait ses deux pieds avant ses deux mains. Donc, ce hadith vient dans Abu Daoud, Tirmizi et Nasa'i. Ibn Majah et Daraqutni. Walakin ce hadith là isnadu dhaif. Ce hadith est dhaif. Ça va? Da'afahu al-Albani. Albani a rendu le hadith dhaif. Ça va? Mais certains ont renforcé le hadith, tel que l'imam Ibn Qayyim, dans son Zalul Ma'ad, il a dit que le hadith est bon. Et il s'est basé sur cela pour dire qu'on descend avec les deux genoux. Ça va? On descend avec les deux genoux, avant les deux mains. Et c'est ce qu'a choisi le chef islam Moutimiya lui-même aussi, a choisi cette parole, ainsi que son élève. Parmi nos savants contemporains, nos deux grands savants, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ousseymine. Ils ont choisi le fait de descendre avec les deux genoux. Voyez. Donc, l'imam Malik ainsi que l'imam Auza'i, ils sont allés, ainsi que les ashabul hadith, ils sont allés à dire qu'on devance les deux mains avant les deux genoux. Et ils sont basés sur les hadiths d'Abu Hurayra, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a sajada ahadukum, si l'un d'entre vous fait le sujoud, fala yabruk, kama yabrukul ba'ir, qu'il ne descende pas comme le chameau descend. Et il dit, wal yada yadayhi qabla rukbatayhi, qu'il dépose ses deux mains avant ses deux genoux. Ça va? Voilà qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ce hadith, mais ce hadith est rendu authentique par Cheikh Albani. Rahimahullah. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce hadith. C'est sur ce hadith même qui se sont tirés. Beaucoup. Selon les hadiths de Wahil ibn Hujr, beaucoup d'entre eux disent que c'est dhaif. Sauf Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, avec son élève, avec nos savants, Ibn Baz, Ousseymine, contemporains. Mais al-haqqu, la vérité, c'est que le hadith, il y a un problème dans le hadith. Ça va? Il nous reste maintenant quel hadith? Le hadith d'Abu Huraira. N'est-ce pas? Le hadith d'Abu Huraira. Abu Huraira, dans le hadith, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de descendre comme descend le chameau. Et il a dit dans le hadith qu'il faut descendre avec les deux mains au lieu des deux genoux. Mais ici, c'est que dans le hadith, Abu Huraira n'a pas précisé si c'était sa parole descend avec les deux mains ou bien si c'était la parole du professeur Hassan. Mais les savants ont trouvé que c'est mudraj, du mana, il y a un idraj. Idraj, c'est quoi? Sa parole est dans le hadith. C'est-à-dire, descend avec les deux mains est dans le hadith. Ça va? Donc, ils disent que descend avec les deux mains, c'est dans le hadith, c'est la parole d'Abu Huraira, et ce n'est pas possible que ce soit la parole du professeur Sam. Pourquoi? Parce que le chameau, il descend comment? Lorsqu'il veut descendre, il descend avec ce qui est derrière ou bien ce qui est devant. Pourtant, il nous est interdit de descendre comme le chameau. Donc, si on descend avec les deux mains, c'est-à-dire on descend comme le chameau. Bon, Ishkal est venu maintenant. D'autres disent non. La main du chameau, on ne sait pas où ça est. Si c'est les deux qui sont derrière ou bien c'est les deux qui sont devant. Hein? Alakoul Hal, ce hadith aussi, beaucoup de savants, même si Cheikh Albani a trouvé que son isnad est bon, et que Rijaluhu Siqat, les rapporteurs des hadiths sont dignes de confiance. Seulement que, il y a d'autres savants, tels que Cheikh Mokbil, ils trouvent que le hadith a un problème. Ça va? Voilà pourquoi le Cheikh Ali Rami, il a dit Al-Amru Wasi. C'est-à-dire que tu descends avec les deux mains ou bien les deux genoux. Parce que il a dit une parole qui est claire. Mais on va vous lire la parole du Cheikh d'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Même si lui, son avis, c'est quel? Les deux genoux, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Amma salat bi kilayhima. Prier avec les deux manières, c'est-à-dire de descendre, fa ja'izun bittifaq al-ulama. C'est permis par le consensus des savants. Insha' al-musalli. Si le prier, il veut, yada rukbatay qabla yaday. Il dépose ses deux genoux avant ses deux mains. Wa insha'a wada yadayhi summa rukbatay. Et s'il veut aussi, il met ses deux mains avant ses deux genoux. Wa salatuhu sahiha fil halatayn. Sa prière est correcte dans les deux. Bittifaq al ulama. Par le consensus des savants. Mais tanaza'u. Ils ont discuté sur quoi? Ibn Taymiyyah, ils ont discuté fil afdal, au sujet de ce qui est mieux. Mais pas si celui qui descend ici avec ça, on n'est pas d'accord, lui, sa prière n'est pas correcte. Donc, anakoulou lakoum annal amr wasi'. Moi, je voyais que il faut descendre avec les deux mains. Lakin bada an karatu hadhihi al-aqwal, après avoir lu cette parole, ataraja an qawli. Je reviens sur ma parole. Et je dis, Al-Amru Wasi. S'il veut, il descend avec ses deux genoux. S'il veut, il descend avec ses deux mains. Al-Amru Wasi. Ça va? Et le Cheikh Ali Rami dit, Li Adami Sihati Hadithin Fidalik. Parce qu'il y a un manque d'authenticité du hadith à ce sujet. Fidalika. Donc, maintenant, lorsqu'il descend, Tayyib, en descendant, il descend avec quoi? Hein? D'abord, sur Al-Qabd. On a dit quoi? Al-Amru? Wasi. Maintenant, sur le fait de descendre, Al-Amru? Wasi. Tayyib? Donc, maintenant, lorsqu'il descend, ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait mustaqbilan bi asabi'ihi wa rijlayhi wa yadayhi al-qibla. Lorsqu'il descend en sujoud, il dirige ses doigts, c'est-à-dire ses deux mains, ses deux pieds, ça va? Les orteils de ses deux pieds, il dirige vers la qibla. Il faut faire cela. Voilà. Maintenant, les orteils. Tu diriges comment? Voilà. Appuie dessus. Voilà. Voilà. Pas ta main, man. Si c'est déjà bon, maintenant, descend. Tu as vu? Ses orteils font face à la Qibla. Et ses doigts, ses deux mains font face à la Qibla. Ça va? Toyib. C'est compris? Wa yasjudu, et il fait le sujoud maintenant à la a'dha'ihi as-saba. Si c'est 4 et 7 membres. Al-jabha, le front mal anf, ça fait 1. Le front avec le nez. Le front, le nez. Ça doit toucher le sol. Ça va? Wa al-yaday, les deux mains doivent toucher le sol. Wa rukbatay, ces deux genoux doivent toucher le sol. Wa butun asabi rijlay, et les orteils, c'est-à-dire l'intérieur des orteils doit toucher le sol. L'intérieur, ça va? Mais là, il y a certains qui ne peuvent pas. Sinon, il y a d'autres, ils font comme ça. Vous voyez? L'intérieur touche le sol. Ça va? Hein? Toyez. Mais c'est à la liste selon la capacité. Ça va, celui qui peut. Alhamdulillah. Mais celui qui ne peut pas, le bout des orteils doit toucher le sol. Même si c'est quelques orteils. Parce qu'il y a d'autres qui ont des orteils qui ne sont pas. Il y a un qui est plus petit que l'autre. Donc, mais si quand même, c'est-à-dire le milieu ou bien le côté touche, khalas. Ça va? Donc ensuite, Wayakul, s'il est maintenant en soujoud, qu'est-ce qu'il dit? Subhana Rabbiyal A'la. Une fois, c'est l'obligation. Wayukarriru zalika salasan aw akthar. Il peut répéter cela trois fois ou plus. Wayukassiru min ad-du'a. Et il multiplie les invocations. À cause de quoi? De qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. À cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ammar ruku, quant au ruku, fa'abdimu fihi rabb. Immensifiez Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Parce qu'Allah dit, sabbih isma rabbika al-azim. Ça va? Azimu arab. Amma sujoud. Mais quant au sujoud, fajtahidu fi du'a. Faites les efforts de multiplier les invocations dans les sujoud. Faqamin. Et les plus prompts, an yustajab lakum. Que vous soyez exaucés. Wa yas'alu rabbahu min khayri dunya wal akhira. Et demande à ton Seigneur les biens de la dunya et de l'au-delà. Mais il est interdit de réciter le Coran dans les sujoud. Mais est-ce qu'il est permis de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar? Alors que c'est une lecture du Coran, c'est un verset du Coran. Est-ce qu'il est permis de dire ça? Non, pourquoi? Parce que c'est une loi. Ce qui est interdit, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Quand on a donné qui? Hein? Invoque. Ça va? Rabbana atina fi dunya hasana. Hein? Donc, tu fais ces invocations. Ça va? Non. Non. Ça... Hein? Non. Aza ma warada. On ne fait pas dans une autre langue. Mais tu peux faire les doigts que tu veux. Parmi les doigts, mais khairi dunya, il n'y a pas une doigt spécifique pour ça. Ça va? Oui? On ne le fait pas. Ça va? La prière est construite sur quoi? Sur quelle langue? Hein? Tu vas aller parler chinois là-bas. Hein? Hein? Ce que nous savons, c'est que c'est l'arabe qu'on utilise dans la prière. Ça va? Sauf ceux qui disent qu'on peut utiliser l'autre langue qui nous apporte des privations. Non, il faut mémoriser. Non, tu as demandé. La doua rabbanatina fi dunya sana jamia. C'est une doua qui est jamia. Al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait beaucoup cette invocation, qui est quoi? Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Cette invocation-là est immense, n'est-ce pas? Donc, invoquer Allah dans la prière, dans le sujoud. Alors, savoir qu'un atis salat farzan, que la prière soit une prière obligatoire ou nafla, ou bien une prière surrogatoire. Ensuite, lorsqu'il est en sujoud, « وَيُجَافِ عَبُدَيْهِ اَيْ يُبْعِدْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ » C'est-à-dire, il sépare ses deux membres. Quels sont les deux membres? Il éloigne ses deux mains de ses deux côtes. Il faut le faire. Voilà. Ses deux mains ici doivent s'éloigner de ses deux côtes. Mais tu vois, certaines personnes, ils font comment? Essaient de faire ça. Colle. Colle même. Voilà. Ils essaient de faire ça. Ça, c'est interdit. Ça va? Ça va? Ensuite, wa batnihi an fakhizayhi. il doit éloigner aussi son ventre de ses cuisses. Ça va? Son ventre de ses cuisses. Non. Il faut même le Jaffa pour aller loin. C'est pas permis. Hein? Quand il y a qui monte. Non, chez eux, c'est une question de Yakino. Hein? Si Yakin monte. Lakin, une fois moi, je suis arrivé quelque part, j'ai vu un de ces gars-là en train de prier. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est Yakin qui est monté ou bien c'est quoi? C'est du fait comme ça. Allah. Les deux, ça ne touche même pas le ventre comme ça. Et là nous êtes. Donc, ici, Wafakizei Ansaqei, il éloigne aussi ses deux cuisses de ses deux jambes. Comment? Il faut le faire. Non, si tu descends, tes deux jambes, voilà les deux jambes qui sont derrière, le mollet là. Hein? Les deux cuisses des deux mollets. Ça va? Voilà. Ça doit s'éloigner. C'est compris? Voilà, c'est éloigné déjà. Mais il y a d'autres, essaient de le faire, voilà, ils essaient de couler comme ça. Vous comprenez? Tayyib, ce n'est pas permis de faire ainsi. Ça va? وَيَرْفَ ذِرَعَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ. Il soulève ses deux coudes du sol. Ça va? Alors d'autres descendent comme ça, comme le chien s'assoit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Voilà pourquoi le cheikh dit, c'est le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit quoi? اِعْدِلُوا فِي السُّجُودِ. Soyez droit dans le soudoud. وَلَا يَبْسُطَ. Que ne t'en détale pas. أَحَدُكُمْ زِرَعَيْهِ. Ces deux coudes. Ka imbisati al-kalbi. Comme le chien étale ses deux coudes comme ça au sol. Ça va? Essaye de faire cela. Voilà, comme ça. C'est interdit. Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ça? Regarde, c'est interdit. T'as compris? Non. Non, même avec ça, tu n'es pas obligé de rapprocher de tes côtes. Pourquoi je t'ai dit? Essaie de mettre ta main à l'intérieur et ne colle pas. Voilà. Est-ce que c'est collé? Hein? C'est pas collé. N'est pas obligé de coller, même si vous êtes coincé. Ça va? Il y a les safas qui disent, il y a les safas là, c'est tellement coincé que souvent on n'arrive pas à détacher les larmes. Non, mais même avec cela, tu essaies d'aller un peu en avant. Tu verras que ça ne touche pas. Non. Non, dans ce cas, n'akulu laka ittaqullah mastata'at. Si tu peux trouver un endroit où prier normalement, alhamdulillah, mais si tu es coincé, tu fais ce que tu peux. Ça va? Mais ne rentre pas dans le nahi. Le nahi, ici, dans le hadith, qui est mughallava, c'est de descendre comme le chien. Mais fais en sorte que tes deux coudes ne touchent pas les sons. Ça va? Non. Non, tu pries avec eux. Non, mais si tu sais que tu vas les déranger dans leur prière, tu pries derrière. Ça va? Tu pries derrière. Il y a une parole de certaines personnes qui disent que il faut tirer quelqu'un derrière pour le faire entrer dans le rang. Seulement que cette parole-là n'a pas de sonnette. Ça va? Si tu viens trouver que le rang est rempli, tu vas tirer quelqu'un qui est déjà concentré dans sa prière. Tu le tires pour le ramener derrière. Pourtant, il est dans ce qui est afdol. Toi, tu le ramènes vers ce qui est moins afdol. Si après la prière, il t'a frappé. Ah, s'il connaît le mérite du premier rang, parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent. Quand toi, tu viens dans le premier rang, lui, il est dans le premier rang. Le professeur Asram, il dit, si vous connaissez ce qui est dans le premier rang, vous allez faire tirage au sort pour pouvoir vous arrêter au premier rang, si vous connaissez les mérites qui sont dedans. Mais il y a d'autres qui s'en foutent. Quand il vient des noms au stage, c'est-à-dire que lui-même, il est arrêté dans le premier rang, et puis il sort, et puis il te donne. Il te donne ce mérite-là. Hein? Dans ce cas-là, souvent vous êtes arrêté au premier rang. Oui. Il vous fait sortir du premier rang. Ça, c'est zone. Même faire sortir un enfant du premier rang, c'est le zone. C'est très important. Même faire sortir un enfant du premier rang, c'est zone. Tu as compris? Non? C'est comme si l'enfant est arrêté juste derrière l'imam. Non, s'il est arrêté juste derrière l'imam, on peut le bouger. Parce que le professeur Azam, il a dit, les yali, les minkom, ceux qui sont pubères et ceux qui ont la science. Bon, si un enfant a été derrière l'imam et que l'imam a besoin de tirer quelqu'un, il tire l'enfant là pour l'envoyer dehors. Ça va, je fais. Hein? Mais ici, ce que je vais dire, même certains savants ne sont pas d'accord avec ça. Ce que je viens de dire là. Ça va? Ils disent que le hadith s'applique sur qui? C'est-à-dire que fasse l'effort de venir s'arrêter derrière l'imam. Ceux qui sont pivers. Mais il n'y a pas une interdiction qui dit qu'un enfant ne doit pas s'arrêter. Ils sont allés sur ça. Ça va? Toyib, à la cour les hal, ce qu'on voit dans certaines mosquées, là il y a 12. Ce n'est pas permis. Venez trouver un enfant. Hé, quitte là. Fais sortir. Tu es un enfant et puis tu viens d'arrêter en premier rang. Hein? Toi, tu as besoin du mérite du premier rang et puis tu es venu en retard. Hein? Viens vite pour t'arrêter au premier rang au lieu de venir chasser des enfants. Non? Par exemple, il y a certaines personnes qui placent quelque chose pour occuper sa place. Est-ce que moi qui viens, par exemple, j'ai vous trois... Personne n'a de place dans la mosquée sauf l'imam. Personne. Néré, le mieuxin. Le mieuxin, il doit être toujours derrière l'imam. Ou bien, ah, si le mieuxin l'a arrêté et que tu viens t'arrêter. C'est comme Akroula comme Kisatan, je vous donne une Kissa qui m'est arrivée moi-même. Je suis venu dans une mosquée et je suis venu trouver, chacun a déposé. Ah là là, tous. Réserver place dans la mosquée, c'est pas permis. Ah, les tapis, souvent même c'est des trucs, des sacs. Chacun a réservé sa place comme ça. Hein? Ils sont à la maison, hein? Ils ont réservé leur place. Djuma. Ah ça, là, Djouz. Bon, je suis venu dans la mosquée. J'ai vu une place. C'était vide, il n'y avait rien. Je me suis arrêté. Il était en train de faire mon nafi là. Il y a un vieux qui est venu, il est venu me regarder comme ça. Il vient s'arrêter devant moi, il me regarde. Et puis il me dit, ni Klala Selan, il me boit encore, on va placer. C'est-à-dire, pendant que je prie, il me dit déjà ce que je dois faire. Bon, moi je viens de prier. Et puis je me sage. Il dit, mais comment faut-il qu'il y ait une place là? Je ne l'ai même pas regardé. C'est là qu'il vient, il me dit, non, qu'il y a un autre bouillon, donne ta volatée. C'est là, mais il dit, mais il est recassé le bouillon. Il est en train de prier, il vient me dire, il n'est pas quitté là. C'est grave, n'est-ce pas? Mais après, j'ai vu, j'ai bougé, il s'est assis. Vous vous dites que cela arrive dans plein de mosquées. Plein. Mais Hadar, juste, c'est pas permis de réserver une place. Personne n'a de place à la mosquée, il a l'imam. Si en tout cas, pas t'as plus faux que, comme les gens le disent, c'est pas t'arrêter à la place de l'imam. Bon. En tout cas, là, c'est pas là que t'as cherché. Très bien. Voilà. Voilà pourquoi les Malikiya, et certains Mazhab, ils disent, même ceux qui doivent prier en groupe après la prière, ils ne doivent pas prendre la place de l'imam. Ah, pourquoi ils vous disent toujours ici? Ils disent, c'est mon Mazhab. Hein? La réalité, c'est que c'est pas interdit, mais afin d'enlever la haine dans le cœur. Pourquoi? Parce que si tu viens t'arrêter, l'imam là va dire, est-ce que lui-là n'est pas en train de guetter ma place là? Chaque fois, c'est lui qui vient s'arrêter sur ma place là pour faire prier. Donc, avec un djouyaï, ce qui est mieux, vous priez derrière. Ça va? Non. Non? La personne est venue lui dire un truc comme ça. Par exemple, tu as arrêté à la place du moisi. Donc, si tu finis, il va falloir que tu te déplaces. Non. Après que tu aies fini tes rentrants, les deux rentrants, tu décides de ne pas bouger. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait un mal? Un mal. Non, si c'est la place du moisi, il faut bouger. Non, il faut bouger. Non, c'est un mazhab qui traite ça. Dans ce sens-là, c'est que le muazzin, il est connu étant comme celui qui fait le hasan dans la mosquée. Et souvent, il a une place où il s'arrête. Mais comme je viens de le dire, personne n'a de place dans la mosquée si ce n'est que l'imam. Ça va? Donc, toutes les autres places peuvent être occupées par les gens. Ça va? Mais il y a des mosquées, même dans la mosquée, les gens de la sunna. On connaît, on sait que ce vieux-là, c'est sa place qui est là. Tout le monde sait. Si tu viens t'arrêter là-bas, si c'est dans la mosquée de Al-Bida, toi-même tu as peur de venir t'arrêter. Parce que là-bas, là, c'est le Koroti. Cara facilite. Donc nous allons continuer. Ensuite, maintenant, وَيَرْفَوْ رَأْسَوْ S'il quitte maintenant dans le sujoud, il lève la tête, مُكَبِّرًا En faisant le takbir, وَيَفْرِشُ قَدَمَيْ يَفْرِشُ قَدَمَيْ الْإِفْتِرَاشِ Comment il le fait? يَفْرِشُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى Il étale son pied, c'est-à-dire son pied gauche. Il s'assoit dessus. Il faut faire cela. Son pied gauche étale. Voilà. Et assoit-toi dessus. Et ensuite, maintenant, il dresse Ridlahu al-Yumna. Regardez de la manière dont il est assis. Tourne. Voilà. Yansob. Le pied gauche, c'est ce qu'on appelle Yafrish, c'est-à-dire il étale. Yansob. Et, c'est-à-dire, et dresse le pied droit. Ça va? Donc, quand il dresse maintenant, Hada Tusamma Gilsatul If Iftirosh. On appelle cela l'assise Iftirosh. Cette assise-là, qui est Iftirosh, Wayada au Kafayhi ala Fakhizei. Et il dépose maintenant ses deux mains, ses deux paumes sur quoi? Ses deux cuisses. Ça va? Ou à la rukubatei, ou bien sur ses deux genoux. Ces deux sont permis. Il dépose sur les deux cuisses comme les deux genoux. Ça va? Il faut le faire sur les deux cuisses, naam, et sur les deux genoux. Ça va? Ensuite, il dit Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ça va? Il dit cela trois fois. يكررها et il reste maintenant yatma'in mujalisan, il reste apaisé assis. Quand on dit itminan dans l'assis, c'est quoi? C'est de rester assis droit jusqu'à faire les invocations qui sont en ce moment là. Ça va? C'est ce qu'on appelle itminan. Et c'est très important, ce itminan fait partie des arcanes de la prière. On a vu cela ici, n'est-ce pas? Tayyib, on va finir avec la dernière masala, qui est dans cette assise. Il y a des savants qui disent que on doit lever l'index, n'est-ce pas? Tel que le cheikh Mohamed bin Saleh al-Oussaimi, il dit qu'on doit lever l'index et bouger dans l'assise entre les deux soujouds et la dernière assise qui est à Shahoud. Il se base sur cela, sur le hadith qui est venu. Ça va? D'abord, Tayyib, il a montré que la sunna montre qu'il faut dresser le sababa et puis maintenant prendre le ibham pour attraper le khimfar et puis faire maintenant halqa. Ça va comme ça. C'est compris? Tayyib. Mais ça vient de différentes manières. On peut attraper le khinsar avec le binsar, les deux. Ça va? Et puis maintenant, placer ça sur le ibham. Et puis faire halqa. Comme aussi, on peut faire le qabd des deux. Et puis, faire comme ça. Faire le cercle. Ça va? Tayyib, est-ce que non, le masala est là-bas? Et dit, lorsqu'il s'assoit maintenant, jilsa bayna sajidataini, alors il fait cela. Il fait cela. Mais voilà que le dali dont il s'est basé dessus, c'est le hadith de Wa'il ibn Hujr. Le hadith de Wa'il ibn Hujr, il y a eu tellement de... القبض بعد الركوع لفدا ترى بعد الركوع وايل من وجري إلى لبا أديسان إلى لبا ici aussi il a les hadiths qui est là parce qu'il a rapporté beaucoup de hadiths concernant la prière du prophète صلى الله عليه وسلم وايل من وجري c'est un compagnon رضي الله تعالى عنه donc dans le hadith de Wa'il ibn Hujr, on va finir avec ça. Dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Bayna sajidataini, Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni. Ça va? C'est la même chose que Ibn Abbas a mentionné. Mais ce qui est le problème entre ces deux hadiths, le premier hadith montre que lorsqu'il s'asseyait, il soulevait l'index et il remuait. Ça va? Mais le deuxième hadith montre que lorsqu'il était dans le tashahhud seulement. La majorité des savants ont dit que le premier hadith est venu de façon générale. Mais le deuxième hadith est venu spécifier là où on doit le faire. Parce qu'il y a une autre riwaya qui vient montrer dans la riwaya même de Wa'il ibn Hujr qu'il faut le faire dans le cas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soulevait, c'est-à-dire levait son index lorsqu'il était dans le tashahhud. Voilà que le cheikh Mohammed bin Salah al-Husseymin lui dit le caractère spécifique n'est pas venu lever le caractère général. Il dit parce que même dans le Coran, Allah vient avec le général et le spécifique. Tel que par exemple, تنزل الملائكة والروح. Nettoyer. Malaïka, les anges descendent. Et Roux, Djibril aussi descend. Est-ce que Djibril est venu lever les autres anges? Ou bien ils sont tous venus ensemble? Il est venu avec une règle sur cela. Ça va? Et il dit, le spécifique n'est pas venu lever le général. Mais seulement qu'il y a une qaïda aussi chez les Ousouliens qui disent que le spécifique vient lever le général. Ça va? Et si cela, il s'est basé aussi sur la parole de l'imam Ibn Qayyim. Il n'est pas le seul à le dire. La parole de l'imam Ibn Qayyim. Et il dit quoi? Même si la majorité des savants voient qu'on ne doit pas faire cela, Bayna Sajidatayn, seulement que lui, il disait cela aussi. Mais il a trouvé qu'il n'y a pas un dalil qui montre aussi qu'il faut déposer seulement lorsqu'on est assis. Il dit, il n'y a pas un dalil qui montre Bayna Sajidatayn qu'il faut aussi laisser la main comme ça. Ça dit sans attraper l'index. Il dit, il n'y a pas de preuve. Puisque, lorsqu'on s'assoit, le dalil qui est connu dans le tachaoud, c'est quoi? C'est de lever l'index. Mais, un dalil doit venir montrer que on ne lève pas là-bas. Il dit, il n'y a pas cette preuve-là. Vous voyez comment c'est compliqué? Donc, l'imam Bakr Abu Zayd, lui dit quoi à la Koulehal? Cette mas'ala, ça veut dire des mas'ala ishtihadiyya. Et la position des musulmans, c'est de voir ce qui est plus radieux. Et ce qui est radieux, c'est que le général, le spécifique est venu lever le général. Tous les hadiths qui sont venus, des compagnons, dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est là-bas seulement. C'est dans le tachahoud, on lève l'index. C'est dans le tachahoud, seulement on lève l'index, pas ailleurs. C'est lui qui dit on doit lever l'index dans Bayna Sajidatayn qu'on lui demande la preuve. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. On va s'arrêter sur cette mas'ala et nous demandons à Allah de nous préserver, de nous guider sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.